Thierry de Mercastel. Je meurs. Texte publié sur atramenta.net. Sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Illustration musicale de Pascal Krieg. Fleurs d'automne. Site musiclibre-cc.fr. Tout droit réservé. Je meurs. Je meurs sans cesse dans un dédale de mensonges, ces rives aux parois glissantes où vous êtes retournés pour d'autres levants. Et moi, vêtu de mes chimères, j'assoif ma mort à lui faire croire que je l'aime, à lui faire croire qu'à cette brune, au teint si sévère, je lui prendrai ses lèvres. Alors, ivre des heures qui se défont au tic-tac infernal des horloges, comme un mendiant sage, je me suis mis à peindre en mon imaginaire des mers étranges, bercées par des chants mystérieux, des amours infinis où les corps, en un duel sans cesse renouvelé, s'évanouissent, chair contre chair. J'ai peint des lustres aux nuits prudes pour qu'elles s'illuminent d'amour dans les vergers, secrets du futur. J'ai peint le chant de la vague pour oublier tous ses sanglots. J'ai peint ton miroir à la lumière d'un abat-jour, mon éternel aimé, pour que ne cesse le jour. Mais je meurs en ce chemin creux qui me regarde, plein d'indifférence. Je meurs à force d'être cet autre de moi-même, cet étranger forçant ma porte, et venir mélancolique en tout mon être. Je meurs des absences, d'un abandon, de ce cri que fut ma naissance, de ce duel incessant de la nuit et du jour. Je meurs des sanglots d'une rose qui m'avait souri. Je meurs de la prime jeunesse d'un printemps que des vents assassinent. Je meurs du jour adolescent qui vient habillé de ses cendres, de cette pluie tiède sur ton visage comme mille larmes. Je meurs de vos voix en allée sur l'ourlet grave de mes nuits blanches. Je meurs sur ton front, mon petit, et mes lèvres se meurtrissent de te livrer à ce monde égoïste, et moi de partir. Je meurs au soleil insolent, de ce vent capricieux si bavard qu'il éveille le songe. Je meurs sur ta bouche, tes reins, dans le jour indifférent qui n'a que faire de nous. Je meurs au front sans teint de l'ennui, de sa terrible chute dans la mémoire. Je meurs dans les soupirs étonnés des amours clandestines. Je meurs du murmure des amants naufragés, de leurs yeux tristes où je me suis perdu. Je meurs, pauvre poète, et c'est l'oubli qui fait son lit. Je meurs, et le temps se fissure déjà entre nos mains. Je meurs, et toi, la mort, mon inconnu, que me prendras-tu encore? Vois-tu, il me reste une larme. Elle est prisonnière de mon cœur. Elle est celle de la dernière heure. Elle est joie et délivrance. Elle est amour, ma consolation. Ici se termine « Je meurs » de Thierry de Mercastel.